Les nuits en musique vous sont présentées par votre directeur musical, Daniel Marley. Écoutez CKRL tous les jours de la semaine durant les petites heures du matin et laissez-vous guider par l'humeur musicale de Daniel Marley. Les lundis urbains, les mardis 100% franco, les mercredis folk et worldly, les jeudis Britpop et post, les vendredis flashback et les samedis du métal avec DJ Benz. CKRL, la radio des découvertes, 24 heures sur 24, 7 jours, 7 soirs, même les dimanches. Déjà un an au cercle. Et oui, depuis déjà un an, les productions de Noom vous offrent des plus faits shows all you can hear au profit de CKRL. En ce samedi 17 janvier, on vous offre pas moins de 4 groupes pour 10$ seulement. Sam Éloi, Perhaps Because, Philemon Chante et le grand gagnant de Petite Vallée 2008, Bugeaud. Samedi 17 janvier, 21h pour 10$, le cercle 228 rue Saint-Joseph-Est. C'est le retour du Club des 144. À gagner, 12 crédits voyage de 1 500$ à l'agence de voyage Solange-Goulet. 40 certificats cadeaux de 50$ dans les établissements suivants. Restaurant Pop d'Orsay, Restaurant Poisson d'Avril, La Caserne du Lin, Sillon le Disquaire, Resto-Bar Le Cercle, Café Nagua, Bar Le Sacrilège, Michel Bilodeau, coiffure et styliste. 144$ le billet, seulement 325 billets démis. Vous avez jusqu'au 9 février pour acheter votre billet. 640-2575, poste 201 ou ckrl.qc.ca. Autorisé par la Régie des alcools, des courses et des jeux. La radio culturelle à Québec. La radio culturelle à Québec. Bonsoir et bienvenue à Web Musique. C'est Simon Roy qui va vous accompagner pour la prochaine heure. Je vous dis que c'est une grosse semaine. Apple a enfin annoncé qu'il ne vendrait plus de MP3 défectueux avec des DRM, c'est-à-dire des Digital Right Management. C'est un petit, un petit programme qui vous empêche de télécharger les pièces sur d'autres appareils que vous possédez. Donc, c'est une assez bonne nouvelle, il était à peu près temps. Ça a toujours été défectueux, mais maintenant ils ont réglé leur problème. Mais le problème, c'est qu'ils font repayer encore les consommateurs. Donc, je crois que c'est environ 30 sous la pièce pour ôter les DRM. Donc, on se fait avoir encore par Apple, mais au moins, les prochaines pièces qu'ils vont vendre, ça ne sera plus avec des DRM. Cette semaine à Web Musique, encore beaucoup de matériel. Une émission un peu plus tranquille cette semaine. Je vais débuter avec un artiste qui est sur l'étiquette française Valisa Tools. L'artiste s'appelle Kiryucha. Il est plus connu sous le nom de DJ Cyril l'Architecte, donc un artiste qui vient de Paris. On débute tout de suite avec sa pièce « Inconséquence ». We'll be right back. C'était Kiriucha, aussi connu sous le nom de DJ Cyril l'Architecte. C'était la pièce Inconséquence, donc sur l'étiquette Valisa Tools, une étiquette française. L'artiste qui vient lui-même de la ville de Paris, en France. On poursuit l'émission Web Music avec un artiste qui est sur l'étiquette Psychotropicodelia. C'est une étiquette qui nous vient du Brésil. Ils ont toujours plein de trucs assez expérimentaux. C'est une étiquette à découvrir, je vous la recommande. Allez voir un peu qu'est-ce qu'ils font. C'est toujours des trucs assez intéressants. Je vous fais entendre deux pièces de l'artiste brésilien Retrigger. Je vous fais passer la pièce You Will Die. Ça va être suivi par Ghetto Blaster 64. Donc, deux pièces assez punchées. Ça se retrouve sur l'album Jenny and Caroline. Donc, pour tout de suite, Retrigger. In this game, the object is free to kill everything coming in and to avoid being caught. You will die. faster than you do, and shoots at you. D'entendre Retrigger, un artiste qui vient du Brésil. C'était la pièce Ghetto Blaster 64. Avant ça, c'était You Will Die. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Jenny and Caroline. C'est sur l'étiquette brésilienne Psychotropico Delia. Une excellente étiquette que je vous recommande. Cette fois-ci, on va aller du côté de l'Angleterre avec l'étiquette Dead Pop Net Label, une étiquette que j'ai découvert aujourd'hui. Ils ont des trucs quand même assez intéressants. Je vais approfondir un peu plus dans les semaines prochaines. Donc, je vous fais passer l'artiste français Céline Sid. Je vous fais passer sa pièce Ma bonne vieille guitare. Il y a des drôles de samples, vous allez voir. Ensuite de ça, sur l'étiquette Moment Sound, une étiquette qui nous vient de Chicago, je vous fais passer deux pièces de l'artiste Black Daylight. On va débuter avec Daylight 255, avec, suivi par Daylight 180. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Black Daylight Live. Pour tout de suite, on écoute Silencid, ma bonne vieille guitare. Madame, ça ne vous ennuie pas que je joue un peu de ma bonne vieille guitare? Non, allez-y. Je suis désolé. Thank you. Voici des témoignages de gagnants du Club des 144 de 2008. Alors, Richard, qu'avez-vous fait avec votre crédit voyage d'une valeur de 1 500 $ à l'agence de voyage Solange Goulet? J'ai enfin pu découvrir le secret d'une bonne bière noire maltée à l'usine de Guinness à Dublin. Ah. Et vous, Nathalie? Je suis partie 2 semaines sur les longues plages chaudes et blanches de Cayo Coco. En plus, c'était en février. On était assez bien. Juste d'en parler, ça me donne le goût d'y retourner. Et vous, Caroline? J'ai fait tout le sud de la France. J'ai commencé par Bordeaux, ensuite Carcassonne, ensuite je suis allée à Nîmes, j'ai visité les arènes. Il y avait des gladiateurs. Après, à Avignon, sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse. Le cube des 144. 144 $ le billet, seulement 325 billets d'ignes. 640-2575. Après, j'étais à Marseille, puis à Nice. Les 23 et 24 janvier prochains, deux spectacles pour fêter le 35e anniversaire de CKRL au Théâtre Petit Champlain. Le 23 janvier, Guillaume Gagnon. Avec la vie, faire ce qui en a envie. Envie de rien, envie de tout, envie de mourir, Dieu est là. Charles Dubé. Caché sous la table. Alexandre Desplein. Et deux autres artistes mystères. Tous les profits amassés seront remis à CKRL. 35 $ le billet ou 60 $ pour les deux spectacles. Billetech.com. Bureau des plaintes, bonjour. Oui, j'appelle pour signaler un petit quelque chose de bien bizarre, là. Oui, allez-y, je vous écoute. Ben, l'autre jour, j'ai fait sortir mon chat, là. Il est revenu, là. Mais il était comme tout emballé dans du papier journal. Du papier journal? Ouais, du journal, là. Il était comme tout couvert. Impact Campus, on couvre votre quotidien. Impact Campus, le journal des étudiants de l'Université Laval. Disponible gratuitement tous les mardis. De retour à Web Musique, c'est Simon Roy qui vous parle. On est encore ensemble pour une petite demi-heure. Mon Dieu, que ça passe vite. Donc, avant la pause, on entendait deux pièces de l'artiste Black Daylight, un artiste qui nous vient de Chicago. On entendait tout juste avant la pause Daylight 180, c'était précédé par Daylight 255. Donc, deux pièces qui se retrouvent sur l'album Black Daylight Live. C'est sur l'étiquette Moment Sound. Avant ça, bien, c'était le français Silencid avec la pièce Ma bonne vieille guitare avec les échantillonnages assez tordants. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces que vous entendez à l'émission. Pour ça, ben, rien de plus facile. Vous vous rendez sur le blog de l'émission qui est au www.webmusique.org. Vous avez les liens vers les artistes, vers d'autres ressources aussi pour vous aider à découvrir la musique gratuite qui est diffusée sous licence Creative Commons. Donc, on va poursuivre l'émission avec des artistes qui sont sur l'étiquette qui nous vient de la Bulgarie. L'étiquette s'appelle Dusted Wax Kingdom. J'en fais souvent passer à l'émission. C'est une excellente étiquette. Ils ont beaucoup de matériel. Je crois qu'ils sont rendus à la 31e album. Donc, ça vaut la peine d'aller voir ça. Je vais vous faire passer deux pièces de l'artiste Aidio. C'est un artiste qui vient de Londres. Je vous fais passer la pièce Track. Ça va être suivi par Del Titnu, sa vie. Les deux pièces sont sur l'album Del Titnu EP. Donc, ensuite de ça, je vous fais découvrir l'artiste Two Bone Giants, un artiste de la Bulgarie. Je vous fais entendre deux pièces qui sont sur son album The Lost Art of Speaking Your Mind. Donc, la première pièce s'appelle The Andromeda Strain. Ensuite de ça, ça va être The Sight of Things to Come. Donc, pour tout de suite, à Web Music, on entend Audio avec la pièce Track.